Oh Gabriel, qu'est-ce que tu as fait cet été? Cet été, mon anecdote est la plus amusante et curieuse a été trouvée à Santiago Bernabéu, un de mes amis de Barcelone. Oh, non, c'est pas possible. Si, si, c'est très drôle parce qu'il était au même endroit et de même temps que moi. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et nous avons pris des photos, nous avons parlé de nos trucs, nous avons fait une promenade à Tour de Madrid avec nos parents et nous avons mangé de la crème glacée. Ah, bon. Nous sommes allés à la Cibeles et à la Place Neptune. Wow, incroyable. Et toi, Paula, qu'est-ce que tu as fait cet été? Bien, un jour, mes amis et moi étions dans la montagne, quand il a commencé à pleuvoir. Non, c'est pas vrai. Ça nous a perturbé et nous nous sommes perdus. Oh là là là là. Nous n'avions pas de portable et nous ne savions pas quoi faire. Nous avons commencé à marcher et nous nous sommes réfugiés au-dessous d'un arbre. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? 2 heures après, nous avons trouvé un village et nous avons téléphoné à notre famille. Ah bon? Mon père est venu me chercher dans une voiture et nous sommes rentrés chez nous. À la fin, j'étais dans ma maison, mais j'ai attrapé un rhume à cause de la pluie et le froid. Ta histoire est très intéressante.